Les étrangers admirent la vie méritoire et le bonheur assuré au peuple coréen par le dirigeant suprême Kim Jong-un. Le chef de la délégation du comité de la ville de Moscou du Parti communiste de la Fédération de Russie a dit « Sous la direction lucide du respecté camarade Kim Jong-un, la Corée se développe de jour en jour. Les récents succès spectaculaires en Corée démontrent que la Corée est entrée dignement en rang des pays civilisés. » Le directeur de l'Institut du Kim-Il-Sungisme-Kim-Jong-Unisme de Russie, la présidente de l'Union des femmes Kim Jong-suk de Russie et le secrétaire général de la succursale de Karachi de l'Association d'amitié Pakistan-Corée ont affirmé « Le dirigeant suprême Kim Jong-un considère le peuple comme le ciel. Il est le grand dirigeant qui consacre tout pour le bien-être du peuple. Grâce à lui, on entend en Corée le chant « Nous n'avons rien envié dans le monde » et les rires des enfants » et augmente le nombre des rues et villages où le rêve et l'idéal du peuple deviennent en réalité. Le président du Forum anti-impérialiste allemand a souligné « L'année passée, la Corée a remédié dans un court délai aux dégâts naturels qui ont frappé la région septentrionale de la province du Hamgyong du Nord et distribué les logements nouveaux aux sinistrés. Un tel amour pour le peuple n'est possible qu'en Corée socialiste. »